Le journal sud-coréen Une Nation a fait paraître le 17 un éditorial contre le plan des exercices militaires conjoints de l'armée sud-coréenne. Il annonce que les exercices de défense antimissile balistique sud-coréen nippo-américain se déroulent à la fin de juin à Hawaï, États-Unis, et souligne que cela n'est pas destiné à une simple défense antimissile, mais un pas graduel pour l'alliance militaire tripartite.